tête sans enfiler de gants. J'ai voulu jouer mais au fond c'est à moi que je mens. Avec l'histoire, avec le temps qui passe c'est évident. Sans toi je suis perdu comme un enfant dans la cour des grands. Et tu cherches à percer ma carapace, ton caractère. Ne laisse pas la colère juger des bêtises éphémères. Et pour toi j'avais des projets, je voyais les choses en grand. Moi je veux des baleines dans l'aquarium, je vois les choses en grand. Parce que t'es triste alors t'as décidé de m'effacer. Le mal que je t'ai fait tu ne l'as jamais mérité. T'as les larmes aux yeux quand tu les plonges dans les miens. Moi j'ai le cœur qui saigne quand tu me sors du tien. Yeah. Moi j'ai le cœur qui saigne quand tu me sors du tien. Yeah. Moi j'ai le cœur qui saigne quand tu me sors du tien. Yeah. L'impression de compter les jours loin, me bloquer sur une île. Sans toi le futur est flou comme un souvenir. C'est ma façon de te dire viens. Tu ressasses le passé, t'assombris l'avenir. Laisse-moi naviguer sur une rivière de diamants. Je sais quand ça va pas, je t'entends même dans le silence. Et ta souffrance résonne en moi sans cesse en abondance. J'ai une longueur d'avance, refais-moi à nouveau confiance. Et tu me menaces de partir, mais tu vas aller où? C'est pourtant simple, tu comprends pas qu'un plus un ça fait nous. Est-ce que tu comprends? Un plus un ça fait nous. Est-ce que tu comprends? Un plus un ça fait nous. L'impression de compter les jours loin, bloqué sur une île. Sans toi le futur est flou comme un souvenir. C'est ma façon de te dire viens partager ma vie. Pour toi je me plierai en mille comme un origami. Est-ce que tu comprends? À plus un, ça fait nous.